Voilà maman. Bonjour ma chère Louise. Bonjour maman. Comment vas-tu? Oh, pas mal. Pas mal, merci. À part mes rhumatismes dans ma jambe. Et toi, comment vas-tu? Très bien. Merci maman. Ah, je suis heureuse. Et toi? Oh oui. Où est ton mari? Il est là, sur le sofa. Excuse-le, il est fatigué. Je voudrais admirer mon petit Christophe. Où est-il? Christophe, qui est-ce? Mais c'est mon petit-fils. Oh non, maman, ton petit-fils s'appelle Nicolas. Oh, pardon. Je me trompe. Où est-il? En effet, où est-il? Je vais demander à son père. Jean-Luc, où est Nicolas? Il est là. Sur le canapé, avec ses tantes. Oh, c'est un beau bébé. Il est adorable. Il est beau comme son père, n'est-ce pas? Oui, il est beau comme lui. Nicolas est beau comme moi. Il est vilain comme un singe.